Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Habitat Presto consacré à la déco. Vous avez envie d'une nouvelle déco relaxante, cocooning, mais aussi épurée pour votre intérieur? Alors le style Japendi devrait vous plaire. Il s'agit du mix parfait qui allie l'authenticité de la décoration scandinave et le design des intérieurs japonais. La contraction des mots Japon et Scandinavie a donc fait naître une décoration minimaliste et contemporaine où seul l'essentiel est mis en valeur. Voici nos 5 conseils pour intégrer la déco Japendi chez vous. Le premier conseil est d'avoir un intérieur bien rangé. Pour adopter cette tendance, il est nécessaire que chaque meuble, chaque objet soit à sa place. La pièce doit être désencombrée pour laisser place à l'essentiel. Les bibelots et autres objets inutilisés doivent donc partir au grenier pour conserver le minimum dans chaque pièce. La seconde astuce est de privilégier les matières naturelles. Dans la déco scandinave, mais aussi japonaise, les matières naturelles comme le bois, l'osier, le rotin ou encore le canage sont très présentes. Alors si vous voulez un look Japendi chez vous, vous devez les intégrer dans chaque pièce. Optez pour du parquet en bois au sol, un fauteuil suspendu en rotin, des cloisons en canage pour créer un intérieur zen en communion avec la nature. Notre troisième idée, c'est de choisir des couleurs contrastantes. C'est bien connu, la décoration scandinave privilégie des couleurs claires avec beaucoup de blanc et du bois naturel. Quant à la décoration japonaise, les teintes sont plus sombres et plus intenses. Alors forcément, pour créer un intérieur Japendi, il va falloir combiner les deux styles. Pour cela, le blanc, le crème, le blanc cassé doivent dominer vos pièces de vie. Ensuite, il faut simplement apporter du caractère aux pièces en intégrant par touche des notes plus foncées, comme du brun, du gris anthracite ou encore du bleu marine. Notre troisième conseil est d'apporter de la lumière dans vos pièces. La décoration Japendi met en avant des pièces lumineuses et très ouvertes. Il faut donc retirer les cloisons lorsque cela est possible pour agrandir les espaces. Par exemple, transformez votre cuisine, votre salon et votre salle à manger en une seule et même pièce de vie et agrandissez vos ouvertures pour installer de grandes fenêtres ou des baies vitrées. Vous laisserez ainsi entrer la lumière. La dernière chose à faire pour adopter la décoration Japendi est d'ajouter de la verdure. Ce look vivant et vivifiant a besoin d'être enrichi avec de la verdure. Les plantes vertes d'intérieur sont de mise, les arbustes comme les bambous aussi, ainsi que les plantes à énergie positive comme par exemple l'aloe vera. Le vert symbolise la vie et apportera la touche finale à votre nouvelle décoration Japendi. Notre podcast touche à sa fin, on se retrouve la semaine prochaine pour parler travaux. Envoyez-nous toutes vos demandes sur les travaux, la décoration ou l'aménagement de jardin par message sur notre page Facebook ou bien à l'adresse info@habitapresto.com. Votre question sera peut-être sélectionnée pour un prochain podcast où nos experts se feront le plaisir d'y répondre et de vous donner plein d'astuces et de conseils. Et puis si vous cherchez un artisan pour vos projets de travaux de rénovation, de décoration ou encore d'aménagement du jardin, remplissez simplement le formulaire sur notre site internet www.habitapresto.com et nous vous mettrons en relation avec des professionnels près de chez vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.